Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le 32e du nom. Alors Transmission c'est quoi? Bien sûr c'est la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Deux extrêmes qui vont être fortement liés ce soir puisqu'on va parler notamment, vous allez très vite le comprendre, d'un certain film qui fait l'actualité. Et je suis bien entouré, encore une fois, avec trois acolytes alcooliques aussi également. Manuel Haas, Manu, comment vas-tu ? Très bien Olivier, et toi ? Ça va, j'ai une petite question pour toi. Dis, si tu devais déguster un Big Kahuna Burger avec un personnage imaginé par Quentin Tarantino, avec qui le dégusterais-tu ? Oh, avec Zed, dans sa cave. Ah, je te reconnais bien là. Julien Robot, comment vas-tu ? Très bien, merci Olivier. Et toi, si tu devais te régaler d'un strudel aux pommes avec un personnage de l'imaginaire tarantinesque, qui est-ce que tu choisirais, dis donc ? Ben justement, je m'étais dit avec le lieutenant Aldo Rain. Mais je me disais aussi qu'avec Vincent Vega, ça pourrait être pas mal de qu'il m'apprenne un petit peu son déhanché pour être encore plus beau en soirée. Oui, parce qu'on sait que tu ne dors pas souvent chez toi. Et à droite, Lucien Alflans. Lucien Alflans, comment vas-tu ? Salut, ça va les gars ? Et toi, alors, si tu devais boire un café en écoutant les Delphonics, tu le prendrais avec qui, ce café ? Bon, avec Cliff de son dernier opus, incarné par Brad Pitt, parce qu'en effet, ça permet de manger pas mal, hein, vu la propension qu'a l'acteur à bouffer dans tous les plans de ses films. Mais il te ferait de l'ombre, parce qu'il a sans doute un plus beau torse que le tien, même s'il a 30 ans de plus. Donc, vous l'aurez bien compris, nous parlerons ce soir, bien sûr, du film de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino. On parlera également de Midsommar, le film d'Ari Aster, qui fait bien couler beaucoup d'encre, et autre chose aussi. Nous parlerons également du film d'Asif Kapadia, Diego Maradona. Et enfin, on finira avec So Long My Son, le film de Wang Xiuhui. Alors, beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de choses. L'actualité de Transmission est incroyable en ce mois d'août, puisque je dois vous annoncer que dorénavant, en plus d'être sur Mixcloud, Podcloud, vous pouvez nous suivre également sur Spotify, sur iTunes ou sur notre propre site. Et je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur liker notre page Facebook pour avoir toutes les infos. Mais on va également être repris maintenant par Radio Rectangle. C'est une plateforme de web radio. Et c'est une initiative 100% belge. On les remercie parce qu'ils nous ont invités à diffuser nos contenus. Très bien, messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va parler du gros morceau de la soirée. Peut-être le seul gros morceau, peut-être pas. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Trois ans et demi après Les Huit Salopards, Quentin Tarantino fait donc son retour. Quentin Tarantino, soit l'un des derniers réalisateurs en activité dont il est lui-même l'attraction principale. Dans ce dernier film, il réunit pour la première fois à l'écran Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, deux acteurs qu'il a respectivement dirigés dans Django Unchained et dans Inglourious Basterds. Beaucoup d'autres figures, déjà vues chez Tarantino ou non, complètent un casting haut en couleur. Dans le désordre, Margot Robbie, Emile Hirsch, Kurt Russell, Bruce Dern, Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning, ou encore la jeune Margaret Qualley dans le rôle de la hippie Pussycat et dont je viens d'apprendre qu'elle est la fille d'Andy McDowell. Et Luc Perry. On est à Los Angeles en 1969, on fait la connaissance de Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio, un acteur de série en perte de vitesse, et de sa doublure cascade, Cliff Booth, c'est Brad Pitt, un cascadeur quelque peu en disgrâce lui aussi, devenu plus une sorte d'homme à tout faire pour le fragile et alcoolique Rick Dalton. C'est sur Cielo Drive que réside Rick Dalton, et ses nouveaux voisins ne sont autres que Sharon Tate et Roman Polanski. Le spectateur est invité à une balade on et off des plateaux à la rencontre d'autres figures qui arpentent le Los Angeles Angeles de 1969, y compris les membres de la tristement célèbre famille Manson. Voilà, donc nous allons parler de ce film sans doute longuement, et c'est Manu qui va commencer. Manu, qu'as-tu pensé du film de ce bon vieux Quentin ? Ce qui se passe toujours avec les films de Tarantino, c'est que souvent il est rarement là où en fait, tu l'attends. En tout cas, je trouve que le film est drivé par une magnifique idée de cinéma qui est entièrement contenue dans le genre dans lequel Tarantino ancre le film, à savoir le western. Et même si Once Upon a Time n'est pas à proprement parler un western en lui-même, Tarantino en emprunte beaucoup de l'imagerie, des thématiques qui lui sont propres. C'est notamment assez prégnant dans l'opposition que Tarantino installe entre le caractère factice des plateaux de tournage dans lequel tourne Rick Dalton et la visite du ranch de la famille Manson par Cliff Booth. Tu n'arrives plus à te déceler d'un côté où est le réel et où est la fiction. Et voilà, je trouve qu'il n'y avait rien de plus beau et d'aussi évident que de raconter ce passage d'une époque, celle des années 70, d'une époque à une autre, que ce soit au sein de l'industrie hollywoodienne, dans la société en elle-même, et de convoquer l'image du western pour ça, qui a toujours joué de la confrontation entre l'ancien monde et le nouveau. Et ça, en soi, je trouve une très grande idée de cinéma. Ce qui est très beau par rapport à ce que tu dis, c'est que non seulement il filme ce passage, mais qu'il en imagine aussi la rencontre, en la laissant en suspens. Et c'est entre autres ça qui laisse cette espèce d'état de suspension à la fin du film, ça, et le fait que c'est peut-être, enfin pour moi en tout cas, la première fois, je suis ému autrement que par de l'excitation devant un Tarantino. Julien. Moi, je trouve ça très juste ce qu'a dit Manu, et il y a toujours ce niveau de jubilation très fort qu'on retrouve chez Tarantino, et cette manière ici dont il a de mêler, comme tu dis, réel et fiction, mais en tout cas de mêler les hommages entre son fantasme, ce qu'il aurait voulu créer, ce qu'il aurait voulu réaliser, ce qu'il aurait voulu jouer, je veux dire les séquences de la grande évasion, etc., qui sont toujours savoureuses, et déjouer quasiment l'aspect biopic ou film historique sur lequel on pose beaucoup de fantasmes autour du film, pour en faire un film qui ne ressemble qu'à un film de Tarantino, quasiment une autobiographie de son rapport au cinéma, quoi. Bon, très bien. Là, on est beaucoup dans le ressenti. On sent que vous avez été très ému par ce film. On va peut-être rentrer peut-être un petit peu plus précisément dans qu'est-ce qu'est le film. Il y a quand même pas mal de critiques qui concernent cette deuxième partie très longue, très étirée, où finalement l'enjeu narratif est un peu dilué. On est plus vraiment sur une espèce de connaissance intime des personnages. Il y a aussi des critiques qui sont liées au... là, je ne parle pas de mon avis à moi, hein, je vous relance juste. Au personnage de Margot Robbie, du personnage de Sharon Tate. Tu disais justement, le film était vendu sur l'élément famille Manson. Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Tarantino du personnage de Sharon? Déjà, moi, je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais le film était vendu comme un biopic par des journalistes qui n'avaient pas encore vu le film ou qui ne savaient absolument pas de quoi parler le film, parce qu'on n'a jamais... Mais je n'ai pas l'impression à aucun moment que Tarantino et l'équipe du film l'aient vendu comme un biopic sur Sharon Tate. Ce que je trouve très beau, justement, pour Tarantino par rapport à quelques films précédents qu'il a pu faire, c'est ici... Il y a un fil plus ténu dans l'histoire, un peu plus... beaucoup plus simple. Ça me semble moins dense que certains films qu'il ait fait. Mais en même temps, il arrive avec tous ses personnages à créer vraiment quelque chose de choral. Ça m'a presque rappelé des films comme Boogie Nights, où vraiment c'est on parle de Rick Dalton, etc., mais pas que. On parle de Cliff Booth, mais pas que. Et il y a vraiment quelque chose de collectif qui se passe et d'assez beau, je trouve, dans la manière dont il a de creuser les personnages, les situations, et dans la manière dont, parce que on ne le dit, enfin, c'est une évidence ce que je veux dire, mais c'est quand même un très grand directeur d'acteurs, et ça se voit très fort à quel point c'est incarné, à quel point c'est travaillé par les acteurs. Il y a des séquences hilarantes avec DiCaprio, etc. C'est vraiment savoureux. Peut-être la meilleure prestation de Brad Pitt, quoi. Et c'est pas peu dire. Je vois exactement ce que tu veux dire, Julien, mais je suis pas tout à fait d'accord. J'ai pas mal pensé à Paul Thomas Anderson et à Robert Altman devant le film, parce qu'il y a en effet un rapport au film choral construit par des scénettes, presque des digressions autour de personnages qui gravitent autour de cette intrigue qui n'en est pas tout à fait une. Je pense que c'est à travers ce mécanisme-là que s'immisce une sorte de mélancolie, et qu'en effet il perd peut-être en efficacité après laquelle il a tendance à courir d'habitude, mais je trouve ça d'autant plus intéressant, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression de voir une nouvelle veine de Tarantino et qui rend le truc hyper intéressant. Il y a un truc que je trouve intéressant par rapport à sa gestion de ça, c'est que par exemple, en effet, le personnage de DiCaprio n'a pas une importance narrative extrêmement importante, et le personnage qui est vraiment central narrativement est incarné par Brad Pitt, qui lui est beaucoup plus contenu dans son jeu, et je trouve qu'il y a un équilibre qui se crée entre ces deux personnages à ce niveau-là, c'est-à-dire pour simplifier, celui qui prend une moins grande importance narrative va en prendre une plus grande en remplissant plus peut-être par sa prestation over the top, bigger than life plutôt, et Brad Pitt, qui est excellent, je suis d'accord avec vous, va peut-être plutôt être plus dans la mesure et équilibrer donc ça par rapport à l'importance, parce que c'est le personnage, c'est le catalyseur du film. Moi, personnellement, j'avais un peu de mal depuis quelques films avec Quentin Tarantino, puisque je trouvais qu'il avait tendance à étirer ce qu'il sait faire de très bien, qui sont les dialogues. Et notamment, Inglourious Basterds, qui est un film découpé sur, on va dire, 5 grandes scènes très longues, très dialoguées, est un film qui me pose problème, que j'aime pas trop. Et ici, je trouve qu'il quitte un peu cet aspect-là. Les scènes les plus longues sont celles qui concernent le tournage de western avec DiCaprio. Il y en a une qui est très très bien écrite avec la gamine, qui presque tire les larmes. Mais bon, de toute façon, le personnage de Rick Dalton, il faut dire quand même que les deux personnages principaux sont des personnages qui sont extrêmement fragiles. Rick Dalton, il passe quand même, il y a peut-être 10 fois dans le film où il se met à pleurer. Il est tout le temps sur une espèce de brèche. Il est quand même très très fragile. Mais pas complètement dans un registre dramatique. Il y a quand même un aspect assez pathétique. Ah mais oui, tout à fait. Jusqu'au ce moment où il va, entre guillemets, un peu se retrouver, s'il se retrouve un temps soit peu. Le jeu de DiCaprio joue vraiment dans un registre clairement over the top et le jeu redescend en termes de sur-régime de tic d'ateur à partir de là quoi. Mais justement là il y a un truc qui se passe très très intéressant, je trouve. Donc juste après cette scène avec la jeune fille, il y a la fameuse scène qui est très longue où il va à un moment faillir quoi, il va oublier sa réplique, et donc là tout l'artifice du cinéma va devenir apparent. Et il va faillir à plusieurs reprises et il va finalement s'en tirer, il va réussir à jouer la scène, mais en étant vraiment en surjeu, en jouant à la limite mal. Et là, c'est une longue scène. Et ce qui est chouette pour un film de Tarantino, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une très longue scène, mais ce n'est pas les dialogues qui sont importants, c'est vraiment le jeu d'acteur. Et je crois que j'avais jamais vu en fait une scène qui était vraiment basée sur l'intensité de la performance de l'acteur. Mais parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un niveau d'incarnation terrible qui est proposé par le film et dans tous les films de Tarantino, ce qui fait que en fait, cette scène, elle pourrait être banale et je crois qu'on l'a déjà vu dans plusieurs films, de jouer avec le tournage qui se fait en même temps que le film, mais elle est tellement bien écrite et tellement, surtout comme tu le dis, bien jouée, bien incarnée, qu'elle en reste originale et singulière. Et il y a quand même un aspect de mise en scène très particulier à ces scènes-là, c'est qu'il met complètement hors champ toute l'équipe technique. Donc il joue clairement sur la durée, l'équipe technique n'intervient qu'en off, elle n'intervient jamais à l'écran, et il joue vraiment sur cet aspect-là pour étirer les scènes et vraiment cloisonner ses personnages. C'est surtout... Selon moi, en fait, ces deux scènes-là, enfin, les scènes qui concernent le tournage du western, qui sont très longues, je pense qu'après les autres scènes, on perd un peu le Tarantino qu'on a pu voir dans Inglourious Basterds ou dans Les 8 Salopards, pour retourner à quelque chose de plus, on va dire, de plus rythmé, avec des scènes quand même un peu plus resserrées. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, ce qui m'a énormément plu, bien sûr, c'est le duo d'acteurs et surtout les personnages en fait qu'ils incarnent. On a parlé de Rick Dalton, mais Brad Pitt. Donc le personnage de Cliff Booth avec son espèce d'assurance comme ça, qui est en fait une espèce d'assurance de façade, parce que voilà, Brad Pitt joue la doublure de DiCaprio, qui est un acteur en perte de vitesse, et Brad Pitt n'a plus que DiCaprio comme acteur, donc Brad Pitt est encore quelque part plus en disgrâce que DiCaprio. Et quand DiCaprio à un moment du film dit j'ai plus besoin de toi, je vais vendre ma maison, etc., on angoisse plus pour le personnage de Brad Pitt que pour le personnage de DiCaprio, même si Brad Pitt affiche une espèce d'assurance qui, je trouve, est fausse en fait. D'ailleurs, les deux personnages se réfugient à plusieurs reprises dans des paradis artificiels, que ce soit Brad Pitt qui, à un moment, une scène clé, va être sous drogue, ou alors DiCaprio qui passe sa vie à trop boire. C'est deux facettes d'une même pièce, ces deux personnages-là, mais pour le coup... Le vrai cow-boy du film, c'est quand même Brad Pitt. C'est celui qui a toutes les scènes de western pur. La séquence dans le ranch, elle apparaît bien plus réelle que n'importe quel western par rapport à ce qui se passe en studio. Et il joue vraiment cet aspect-là. Et pourtant, ce cow-boy, ce mec qui a un passif dans l'armée, qui serait peut-être le gars le plus... le plus peut-être réactionnaire vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Tu sens qu'à plusieurs fois, c'est lui qui est prêt à aller tourner en Italie, pourquoi pas, qui est beaucoup moins posé et arrêté que DiCaprio sur certains a priori de, vis-à-vis de la société ou du changement. Il accepte beaucoup plus le changement que DiCaprio le craint. Puis pour revenir à ce que disait Oli, c'est aussi le personnage de Cliff Booth incarné par Brad Pitt. S'il est si touchant, c'est aussi parce que c'est un personnage qui met de côté ses peurs, etc., qui ne sont à la limite presque évoquées qu'en hors-champ, pour aider son ami, quoi. Et c'est ça qui le rend si touchant. C'est aussi un personnage qui est très un peu improbable. Et malgré ça, c'est pour moi, c'est lui qui sert, comme je le disais tout à l'heure, de catalyseur, de pierre angulaire au film. C'est autour de lui que tout s'articule. Et c'est lui qui fait le lien entre un peu toutes les histoires qui vont se passer dans le film, toutes les digressions qui vont se passer dans le film. C'est aussi le personnage qui va faire le pont entre la partie fictive du film, qui est majoritaire, et la partie liée à la réalité, à l'histoire de Sharon Tate, etc., dont on parlait tout à l'heure. Donc, on n'a pas vraiment parlé de Sharon Tate, parce que c'est la zone spoiler et que c'est un peu compliqué d'aborder cette zone-là. On peut en parler. Attends, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au film sur le fait que le personnage de Sharon Tate était très peu incarné, justement, parce qu'on parle de Cliff Booth et de Rick Dalton. Quand même, ce troisième personnage sur lequel on revient de manière assez métronomique. Qui donne lieu à une des plus belles scènes du film, je trouve. Justement, ce genre de remarques, elles font abstraction de ce qu'est réellement la construction d'un personnage dans un film, la place qu'il a, ce qu'il symbolise, ce qu'il incarne. Et ça ne se compte pas au nombre de répliques. C'est aussi le côté malin de Tarantino, c'est que les enjeux sont déplacés. Ils ne sont pas sur la relation entre Tate et Polanski. Ils sont sur le monde qui change, sur la relation à Hollywood, le monde du cinéma, etc. C'est plus un hommage et un film sur le ciné que sur la relation Polanski et Tate et ce qui a pu se passer. Et à cet égard-là, moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point justement il arrive à freiner les chevaux, à retenir et à jouer sur autre chose. Pour le dernier déchaînement de violence, donc on va pas spoiler non plus, c'est comment il arrive à réfréner ça. Lucien, je suis sûr que tu as énormément de remarques à faire sur le personnage de Sharon Tate. Déjà, c'est le personnage central d'une des plus belles scènes du film, qui est celle qui peut être avec la fameuse scène de Brad Pitt sur le toit, qui est peut-être la scène qui fait communiquer le plus de temporalités différentes en une scène, et qui est absolument magnifique. Il y a un travail de montage et de cinéma, d'éclairage absolument magnifique, qui est la scène où Margot Robbie va au cinéma. Donc le personnage de Sharon Tate va voir un film dans lequel il y a la réelle Sharon Tate à l'écran, et c'est en parallèle de ça il y a la scène avec Bruce Lee, Brad Pitt, et donc d'ailleurs tout ça, au niveau temporalité ça colle pas du tout, mais on s'en fout, on s'en fout, ce qui en résulte c'est une scène absolument fabuleuse à ce niveau là ce qui est très beau dans le personnage de Sharon Tate, ce qui te montre à ce moment là c'est le plaisir qu'elle a vis-à-vis du cinéma, parce qu'elle va voir un film où elle joue plutôt un rôle plutôt secondaire. Elle a une jubilation à se voir sur l'écran. Et ça donne lieu à une autre très belle lecture du film, je trouve, pas uniquement là, à travers toute la structure du film, finit par raconter ça, mais c'est une manière qu'a de Tarantino, qu'on sait immense cinéphile, cinéphage, adepte de tous les cinémas possibles et imaginables, une manière de rassembler tous les cinémas du Hollywood le plus crasseux, ingrat, au plus noble, incarné par Polanski, le cinéaste intellectuel à l'époque. Et je trouve ça, cette manière qu'il arrive, on va pas spoiler dans la fin du film, mais même dans les scènes dont on parle, à faire communiquer tous ces cinémas-là en un seul et unique film, pour nous cinéphiles, c'est exactement ce qu'on essaie de défendre dans notre émission, c'est-à-dire le grand écart entre cinéma populaire et cinéma peut-être plus exigeant. Ce film, c'est exactement ça. Moi, la lecture du personnage de Sharon Tate que j'avais, surtout par rapport à ce qui se passe à la fin du film, c'est que quelque part, Rick Dalton, Cliff Booth sont des personnages du passé. Ils le savent et ils ont un peu de mal à l'accepter. Et ils savent que leurs voisins, donc Sharon Tate et Roman Polanski, représentent le cinéma l'avenir du cinéma. Et je pense que le personnage de Sharon Tate, elle représente l'avenir du cinéma, mais autant du cinéma d'auteur, représenté par son amoureux, que du cinéma plus populaire, représenté par le film qu'elle va voir. Elle aime autant les deux. Et qu'est-ce que représentent les hippies de Charles Manson selon Quentin Tarantino? Pour moi, c'est plus, comme Bill Murray le dit dans Un jour sans fin, c'est plus les bouffeurs de boudin, quoi. Ceux qui bouffent ce que les faux prophètes leur balancent, quoi. Clairement, là, Tarantino s'adresse aux gens qui critiquent son cinéma, qui ont toujours critiqué la violence de ces films-là, et qui tout d'un coup se posent en sorte de curé du cinéma, qui sont à même de délivrer la bonne moralité des films. Et ils te montrent que le cinéma, c'est pas ça, quoi. Je suis d'accord avec ça. Ouais, puis je vais peut-être faire. Enfin, je relis ça de manière étrange, mais. J'aime beaucoup la manière aussi dans le film dont il fait référence à son propre cinéma et qu'il l'utilise pour construire une réflexion chez le spectateur. Je vais prendre un exemple qui est le plus parlant pour moi. C'est le fait qu'on ait de l'empathie beaucoup, en tout cas pour moi, mais je pense qu'autour de cette table on a tous eu le cas pour Cliff Booth, qui est un personnage qui aurait peut-être éventuellement, ce n'est jamais expliqué concrètement, tué sa femme. Et à travers une scène, à travers une autoréférence, il désamorce ça en expliquant bien qu'il n'y avait aucune volonté derrière cet acte-là. Et je trouve ça hyper intéressant d'utiliser une référence de son propre cinéma pour sans l'expliciter directement dans le film pour construire un personnage de ce film-ci. Quand tu dis ça, tu fais clairement référence avec le flashback où on le voit lui sur son, parce qu'il faut expliciter pour pas être trop cryptique, on le voit lui sur son bateau en train de tanguer à armé avec sa femme qui lui gueule dessus, et la séquence de Pulp Fiction avec Vincent Vega dans sa voiture, c'est ça? Exactement. C'est aussi le grand film, enfin beaucoup de films de Tarantino se passent à Los Angeles, c'est aussi quelque part son grand film sur Los Angeles, je pense. Mais il y a aussi, je trouve, une certaine amertume. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, que c'est une espèce d'aveu, que Tarantino se sent comme Rick Dalton et Cliff Booth, un peu décalé par rapport à l'avenir du cinéma, vous pensez ? Non, moi, je n'ai pas cette impression-là. Justement, j'ai l'impression qu'ouvrir ce bout d'histoire, c'est ouvrir la porte à tous les possibles. Moi, ce que je trouve très beau, c'est que pour moi, c'est un film qui dit « le cinéma est plus beau que la vie ». Ah ouais, ça aussi, c'est clairement. Oui, mais moi, je pense que c'est un film qui est quand même chargé d'une certaine amertume. Et j'ai pas après, Les 8 salopards, qui était quand même un film hyper désespéré et hyper misanthrope, je trouve que c'est pas un film qui respire la joie de vivre. Enfin, si, c'est un film qui donne la joie de vivre et qui montre des personnages qui sont très en vie. Qui est jubilatoire. Qui est jubilatoire. Mais je pense que c'est pas hyper rassurant quant à la manière dont Tarantino se sent pas à sa place aujourd'hui. Je me suis questionné par rapport à ce personnage incarné par Bruce Dern, qui devait être incarné par Burt Reynolds. Ouais, voilà, ça c'est pas fait pour des raisons évidentes. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que Bruce Dern a moins l'aura de ce type de cinéma que pouvait avoir Burt Reynolds. Mais en effet, quand on voit cette scène-là, on peut être d'accord avec ce que tu viens de dire, Olivier. On peut se demander quelle est la vision de Tarantino sur ce cinéma qui serait devenu aveugle et mourant, en gros. Mais ce qui reste pour moi, c'est la fin. Et la fin, elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus porteuse d'espoir. Et elle est peut-être... Mélancolique. Elle est mélancolique, mais moi, je suis d'accord avec Lucien. Il se permet le changement et donc il permet l'espoir avec ça. Et par rapport à ce changement, je trouve que c'est un truc qui est intéressant dans ce film-là aussi, c'est que c'est la première fois, j'ai l'impression, chez Tarantino, que ce révisionnisme, cette espèce de réflexion qui est autour de ça, n'est pas une pirouette dans l'histoire, mais vraiment la clé même du récit la clé même du film, quoi. Très bien, on va conclure ici. Vous en avez été quand même très très long. Merci messieurs. Donc nous allons arrêter là et on continuera d'en parler off. Je suis sûr que vous en bavez déjà d'impatience. Et on enchaîne avec Midsommar, le film d'Ari Aster. What's happening? I don't know why you've invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Un an seulement après Hérédité, un film de possession qui a fait grand bruit l'année dernière, l'auteur-réalisateur américain Ari Aster effectue un retour qui semble toujours autant combler une grande partie de la critique. Donc, le nouveau film s'appelle Midsommar et son héroïne s'appelle Dani. C'est une étudiante américaine en grande détresse émotionnelle depuis la mort de sa sœur et de ses parents. Elle trouve un peu de réconfort dans les bras de son boyfriend Christian, qui souhaite secrètement la quitter depuis de longs mois. Ça, c'est un peu la situation au bout de 5 minutes de film. Christian, et un ami suédois qui s'appelle Pelle et qui leur propose de participer aux célébrations du solstice d'été dans sa Suède natale. Donc Danny, Christian et deux autres étudiants américains rejoignent alors une communauté rurale païenne pratiquant un rite étrange qui ne se déroule qu'une fois tous les 90 ans. Production suédoise et américaine, Midsommar compte à son casting la très en vue Florence Pugh, qu'on avait défendue ici dans The Outlooking de David Mackenzie. Et dans la série de Park Chan-wook, adaptée de John le Carré, The Little Drummer Girl. Et qui sera bientôt dans l'adaptation des 4 filles du Dr. Marsh par Greta Gerwig. On y trouve aussi Jack Raynor dans le rôle de Christian, ou Will Poulter dans celui d'un étudiant américain abruti, deux acteurs qu'on a pu voir notamment dans Le Détroit de Catherine Bigelow. La direction photo très ostensible du film est signée Paweł Pogorzelski, qui avait déjà travaillé avec Aster sur Hérédité. Voilà pour la présentation. Monsieur Julien Rombaud, vous avez insisté, vous avez tenu à commencer sur ce film. Donc, nous vous écoutons. Insister, oh, c'est un grand mot. Bon, oui, mais c'est parce que j'entends beaucoup parler d'un grand film et d'un grand film dérangé, alors que moi j'ai vu une comédie horrifique qui sert à choquer les gamins prépubères ou bien les vieux ringards. En fait, je trouve qu'il y a une bonne ouverture dans le film, un peu maniérée déjà, mais qui reste intrigante. Et après, je trouve ça vraiment très plat par rapport à ce qu'on en fait, complètement plat pendant une bonne heure de film. Je trouve qu'il se passe pas grand chose sinon un appuyage de signes avant-coureurs que attention, un grand malheur va arriver, ça va être terrible, something's gonna happen. Voilà, les effets sont je trouve très cheap et très kitsch. Le film est enfermé dans une forme, voilà, j'ai des exemples de la voiture qui avance vers la Suède et qu'on filme d'en haut, on retourne le plan, etc. Il y a des gravelings où on gondole l'image pour exprimer le bad trip, des effets très scolaires, très appliqués pour décrire soi-disant une maladie mentale profonde ou un grand mal qui ronge le film. On a quand même entendu parler de Shining comme... On avait parlé de Fred King pour le précédent, donc ça, aussi, voilà. Voilà, oui. Bon, en tout cas... D'autant que si on avait vendu le film comme étant le nouveau Shining, c'était parce que c'était un film d'horreur qui se passait en plein jour, alors que toutes les scènes vaguement horrifiques du film se passent quand même dans des lieux sombres. La seule scène vaguement qui joue sur des trucs horrifiques du film se passe en effet dans la pénombre. En tout cas, quand on parle de Shining, et on parle d'un mal beaucoup plus profond et plus sourd, plus dense que ce qu'on peut voir ici. Et je passe les dialogues qui sonnent très souvent soap-opéra. Les comédiens sont très mauvais, je trouve. Surtout les comédiens hommes, parce que la Florence, elle défend quand même son morceau, mais les comédiens sont assez terribles. Jusqu'aux dernières 30 minutes où elle n'a plus rien à faire, la pauvre. Ouais. C'est impossible de défendre des personnages qui sont absolument inexistants parce que construits à travers des faits qui sont absolument inutiles narrativement. Par exemple, la dispute autour des deux auteurs d'un éventuel mémoire, ça n'apporte absolument rien. Le personnage principal, qui est le seul personnage un peu plus construit que les autres, il ne l'est uniquement à travers son deuil, et c'est lourdement asséné. Tout est prévisible. D'abord, si on a vu Wicker Man. Après, si on a vu Hérédité aussi. Si on a vu Hérédité, on sait. En plus, enfin, c'est un truc. Le gars qui les amène dans sa communauté. Dès qu'il arrive dans la communauté, il y a une sorte de chef qui lui dit alors ton pèlerinage s'est bien passé. Donc après 10 minutes de film, on a compris qu'il amenait de la viande fraîche. 10 minutes plus tard, il y a un travelling sur une sorte de storyboard tissé. Donc on sait absolument toutes les étapes clés qui vont arriver. C'est absolument hallucinant. Il y a plein d'incohérences scénaristiques qui sont laissées inexpliquées pour créer une sorte de mystère. Mais on se fout de la gueule de qui? En fait, tout ça se veut symbolique, mais en fait, c'est tellement asséné, comme tu dis, tellement appuyé que ça devient juste risible, je trouve. Et puis tout ça, ce sont les défauts purement cinégéniques du film, cinématographiques. Mais moi, je comprends pas qu'on arrive à faire un film de 2h20 qui brasse autant de sujets sans en traiter un seul. On peut imaginer que le film a envie de parler d'ethnographie, du deuil, de la dépression, du sectarisme, de l'approche de la mort dans différentes sociétés, de l'individualisme par rapport au communautarisme, de l'empathie dans ces milieux-là. Tout ça sont des sujets qui ne sont absolument jamais traités. Et pourtant, si le film fait 2h20, c'est parce qu'il se dit étudier les rites et les fonctionnements de cette communauté. C'est ça qui prend autant de temps au film. Il n'en fait absolument rien, à part jeter des trucs au vent comme ça. C'est encore un exemple. C'est quand même, on a un plan d'une dame à un moment qui va mettre des ciseaux sous l'oreiller d'un nouveau-né. ça ne mène absolument jamais à rien. Donc c'est 15 secondes de film, n'importe quel producteur au monde voit ça, c'est coupé. Là non, on ne sait pas pourquoi ça reste, enfin c'est hallucinant. Moi je suis un peu étonné de la violence que tu déchaînes sur le film, parce que je trouve qu'il y a grosso modo les mêmes défauts et les mêmes qualités qu'il y avait dans Hérédité, que tu avais plutôt défendu à ce moment-là, et pour moi il n'y a pas un film si différent que ça. Ta réaction vient peut-être du côté dithyrambique qu'on trouve dans la presse vis-à-vis du film, mais pour moi c'est un film qui, comme Hérédité, a un problème avec tout simplement le fait que son début, à mon sens, comme dans Hérédité, fonctionne assez bien, est assez inédit dans le caractère, dans les relations entre les personnages, dans cette idée un petit peu de deuil et aussi de quelque chose qui est de destin, une sorte de destin tragique et qui te pèse dessus, sur lequel tu ne peux rien. Après, le problème, c'est que une fois que le film avance un peu plus, et dès qu'il commence à vraiment à rentrer de plein pied dans le genre, comme dans Hérédité, ça part complètement en sucette. Mmh. Il veut essayer de créer un background inédit, un peu inédit par rapport à ce qui se fait actuellement dans le cinéma de genre horrifique. Mais le problème, c'est qu'après, on se retrouve avec les mêmes adolescents cons qui réagissent de manière crétine comme dans n'importe quel slasher, etc. Et donc, en fait, dès qu'il doit faire du genre, dès qu'il doit commencer à passer par ces étapes-là, il n'en fait rien et c'est catastrophique parce que ça vide tout, entre guillemets, toute la petite singularité qu'il y avait en début de film. Se vide dès qu'il se confronte aux gens. Et c'était la même chose dans Hérédité, où ça partait complètement en sucette dès qu'il se commençait à faire des moments de possession, des moments des personnages qui partaient au plafond. C'était n'importe quoi. Tu sentais que le mec ne maîtrisait même pas ses effets. Et à mon sens, Midsommar est ni plus ni moins que ça. J'ai pas détesté le film pendant la vision. Sacrifie tout à l'atmosphère. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que le film est assez anecdotique. Pour moi, là d'où vient ma détestation, comme tu dis, par rapport à Hérédité, c'est que j'ai l'impression qu'Hérédité avait quelque chose peut-être d'un peu plus, c'est pas le terme exact, mais de plus humble, ou en tout cas de plus, avait un côté plus éculé. En effet, il y avait un côté film d'horreur plus classique, qui se prenait un peu moins la tête que Midsommar. Le problème, c'est que tous les éléments horrifiques ne marchaient pas. La seule chose qui marchait dans Hérédité, c'était l'aspect dramatique, ce qui tient un petit peu dans le début du film, dans Midsommar, à mon sens. L'aspect inédit, cette relation toxique entre le personnage, etc. La manière dont il joue ce petit prologue de film avant le départ est la partie, je pense, la plus intéressante du film et qui est clairement plus la partie plus drama que réellement genre. Et le problème, c'est que dès qu'il commence dans le genre, c'est dans des effets complètement éculés qu'on a vu 100 fois avec des comportements de poules à qui on a coupé la tête, quoi, qui tapent dans les murs et qui ne savent pas où ils vont. Pour moi, le problème, c'est que cette exposition, elle est déjà bourrée d'effets de style avec absolument rien derrière, qui avait peut-être un petit peu moins dans Hérédité. Donc moi, c'est vraiment le cinéma qui m'énerve, à la Villeneuve. Moi, j'ai pas vu Hérédité, mais je trouve que le prologue, c'est ce que je disais en intro, je trouve qu'il nous place dans quelque chose, c'est maniéré, etc., mais il nous place quand même dans un film. On parle des 5 premières minutes avant même les discussions d'aller avant, en avant le générique, avant le titre. Enfin, oui, ça éventuellement. Oui, jusqu'à la tempête de neige. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on parle de ça après le Tarantino, dont on a loué les qualités d'interprétation, d'incarnation, et qu'ici, justement, dans l'incarnation, c'est vide. Après, tu le disais, Lucien, c'est parce que c'est sous-écrit et que les personnages n'existent pas. Évidemment, le mari, enfin l'homme... C'est pas sous-écrit du tout, c'est juste très écrit. C'est même trop chargé pour moi. En fait, à force de se défoncer la gueule, etc., de toute façon, il ne ressemble plus rien par rapport aux événements et de Tu parles des personnages, là. Des personnages, et puis on en a parlé déjà en off, mais le mec qui joue le copain de Florence Pugh, c'est une horreur. Il n'existe pas, il ne ressent rien, il ne réagit à rien. Et je suis d'accord avec Manu quand il dit que c'est un film d'atmosphère. Mais en fait, les effets sont tellement appuyés sur l'étrange que ça ne peut pas fonctionner. C'est trop, trop volontaire, trop véhément. Et quelque chose qui est problématique, c'est cette idée de deuil que tu avais dans Hérédité, qui était dans Midsommar, ce caractère de destinée. Le problème, c'est qu'au final, ça aboutit à des personnages hyper apathiques. Et donc, ils ne font que subir les choses, qui ne sont jamais acteurs, et à un moment, qui deviennent des sortes de marionnettes et des poupées sans corps ni sans cervelle. Je sais que, par contre, Oli a adoré le film. Non, on a été trop long, je vais pas parler. On va pas se parler à la suite, je pense. Non, je rigole. Je suis d'accord avec ce que vous dites, grosso modo. Bon, le problème principal du film, c'est l'écriture des personnages qui est vraiment imbitable. Il voudrait s'intéresser prioritairement, je pense. Moi, ce qui l'intéresse principalement, c'est cette histoire de couple et le personnage de Danny, donc qui va en effet vivre son deuil en expérimentant une autre manière d'envisager les notions de vie et de mort, etc. Mais elle a un parcours qui est juste complètement incohérent, quoi. Enfin, je veux dire, psychologiquement parlant, elle voit le premier truc qui se passe un peu trash dans la communauté. Elle a l'air comme ça complètement fascinée. Tout de suite après, elle veut partir. Puis après, elle oublie qu'elle veut partir parce que son copain, en fait, ça l'intéresse. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement... Enfin, le personnage est complètement incohérent et complètement inconsistant. Après, je trouve que le film, en effet, dans les 10 premières minutes, je trouve qu'il réussit quand même à installer cette situation vraiment malsaine. Enfin, je veux dire, qui est malsaine entre les personnages. Les relations, elles sont... voilà, elles sont malsaines déjà à l'avance. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le film, je trouve, c'est que les 10 premières minutes, donc ce qui se passe à l'université, est quelque part pire que ce qui se passe par la suite. Et ce qui résonne pas mal, je trouve, avec le personnage qui est incarné par Florence Pugh. La bribe intéressante du film, je trouve, qui aurait été intéressante de traiter, parce qu'au final, ça ne l'est absolument pas, mais c'est comment cette communauté va détisser les liens déjà tangents, parce que ces personnages sont choisis au préalable par un personnage de cette communauté. Et l'intérêt, pour moi, c'était de comment ils vont détisser ces liens-là. Ils ne le font absolument jamais. Après, l'autre chose que je trouve intéressante dans le film, c'est justement le fait de le jouer en pleine clarté. Donc en fait, le style du film est très appuyé, très ostensible, des plans larges où on voit tout le décor, qui ont une très très grande profondeur de champ, qui sont un peu comme des tableaux, hein, comme ce qu'on voit en effet à l'ouverture du film ou sur la tapisserie, etc., qui reprennent ce motif-là. Et je trouve que c'est plus cohérent dans Midsommar que ça ne l'était dans Hérédité, le jeu avec les maquettes, dans Hérédité, soit, parenthèse refermée. Et il y a un truc que moi je trouve qui est intéressant, c'est que cette grande clarté va s'appliquer au personnage. C'est-à-dire que Florence Pugh, le personnage de Danny, cette clarté va révéler à quel point tous les autres copains qu'elle a sont nuls, quoi. Va les révéler dans leur faiblesse. Et va, quelque part, elle la révéler à elle-même aussi. Et je trouve que c'était une idée, un parcours, quelque chose qui aurait pu être intéressant. Après, tous les personnages sont sous-traités. Voilà. Et quand même, cette mise en lumière et cette révélation du personnage de Florence Pugh est absolument pas incarnée, en fait. Bah non, il y a juste le fait que elle reçoit des coups et elle tombe pas. Voilà, alors que toutes ses autres copines autour de l'espèce de grand crucifix dans la scène de la Queen of Rome, quoi, toutes les autres copines tombent, elle se fait bousculer, elle ne tombe pas. Voilà, c'est une métaphore de sa vie à elle. Voilà. Ok. D'une finesse. D'une finesse absolument, digne d'Ari Aster. Mais je trouvais que dans l'intention, il y a quelque chose qui aurait pu être intéressant. Après, je trouve que vous avez raison, les personnages sont sous-écrits. Le Christian, vraiment, c'est pas possible. Il joue vraiment très très mal. Enfin voilà, il y a même des personnages dont le traitement est limite un peu scandaleux, quoi. Le personnage qui est incarné par Will Poulter, c'est vraiment le connard, on lui donne pas une chance, quoi. Pour le coup, c'est un des rares acteurs dans la bande qui tire plus ou moins son épingle du jeu. Bah Florence Pugh, je la trouve pas mal jusqu'à la fin. Ça, c'est ces deux-là, mais quoi, le problème, c'est que elle a rien à faire à la fin parce que elle est mal. Enfin, le réalisateur n'a rien à lui donner non plus. C'est surtout la manière dont il essaie d'installer cette étrangeté où il se voudra à des moments un peu subversif avec la séquence de d'insémination, par exemple, dans la chapelle. En fait, le problème, c'est qu'elle est même pas malaisante, elle est juste ridicule. Et c'est là où tu te dis que le mec a raté quelque chose, parce qu'en fait, elle est jamais malaisante, mais c'est aussi parce que il ne joue que sur des effets. Le scribe de la communauté, qui est un être difforme, qui est vendu dans la bande-annonce, qu'on te met en gros plan à des moments, etc., et qui n'a aucune incidence sur tout le reste du récit. C'est juste une fascination esthétique d'Ari Aster pour les visages difformes. C'est juste de te balancer un mec difforme. Je vais te montrer un mec difforme, et voilà. Et ça va faire étrange. Exactement. C'est ça. C'est assez symptomatique du film. Ouais. C'est la scène d'insémination, c'est parce que depuis le début, il essaie de créer un suspense autour de ce qui est déjà ridicule de base, mais essayer de créer un suspense autour de ce couple qui ne tient pas déjà à la base. Avant qu'il parte dans la communauté, on sent que le couple ne tient plus. Et il essaie tout le temps de jouer, de créer un suspense qui ne fonctionne jamais et qui de toute manière aurait été inutile autour de ça. Mais cette scène-là ne peut pas marcher dans ces conditions-là, en plus du fait qu'elle est totalement désincarnée. Et parce que ce personnage, au fur et à mesure, est clairement identifié comme un con, ce qui n'est pas forcément au tout début du film, parce que tu pourrais penser qu'il est effectivement aussi, ils ont leur part de responsabilité dans cette relation toxique, et le fait que, vu ce qu'elle a subi, ce qui lui est arrivé, que ben, il ne rompt pas avec elle et qu'il reste cet entre-deux un peu vicié. Le problème, c'est qu'après, il va te développer que ce personnage, en fait, est quand même un gros con. Arriviste. Et alors, arriviste qui va piquer la thèse d'un de ses potes, ouais, etc. Et donc, au final, l'aspérité qu'il pouvait y avoir chez le personnage, elle disparaît complètement. Bon, on dit beaucoup de mal, mais et j'ai l'impression que c'est toute cette piste de l'ouverture qui fonctionne, dont on a parlé, qui était intéressante par rapport au trauma, par rapport à comment elle était en post-trauma, comment elle voyait les choses après ça et comment elle allait vivre sa vie après ce choc. Et en fait, c'est pas traité. Bah, déjà, bêtement, si le gars à l'écriture, il avait dit « Ok, ce qui m'intéresse, c'est le personnage de Danny et je ne vais pas sortir du point de vue de Danny », elle aurait pas fini dans le film, il aurait été quand même vachement plus cohérent, sans doute. Et plus court. Très bien, merci messieurs. On a été long de nouveau sur Midsommar. Je propose qu'on enchaîne peut-être un peu plus rapidement sur Diego Maradona, le film d'Asif Kapadia. Noté que no era Diego. Más y más. Era Maradona. The protection he had collapses. Informazione di garanzia per il giocatore del Napoli Maradona. Après s'être intéressé à Ayrton Senna dans son film de 2010 ou à Amy Winehouse en 2015 dans des longs-métrages documentaires à succès ou encore après avoir réalisé deux épisodes de la série Mindhunters, le Britannique Asif Kapadia s'intéresse dans ce nouveau documentaire à la figure du footballeur Diego Maradona. Pour dresser son portrait, il se focalise principalement sur la période napolitaine du numéro 10 argentin, soit de 1984 à 1991. Ce long métrage est construit sur des images d'archives, autant publiques que personnelles de Diego Maradona lui-même, ainsi que des interviews off de quelques témoins de l'époque et quelques rares nouvelles prises de vue. Le montage du film est signé Chris King, qui avait déjà travaillé sur Senna et Amy, mais aussi sur le Exit Through the Gift Shop de Banksy. Il sait donc si Banksy est un homme ou une femme ou plusieurs personnes ou un hermaphrodite. Lucien, qu'as-tu pensé du film ? Très rapidement, je trouve que le film fonctionne sur cette très grosse ficelle télévisuelle, j'ai presque envie de dire, hein, musique, ralenti, recadrage, bruitage, des ficelles qui sont très grosses mais qui font que le film fonctionne. Je trouve l'approche est comme souvent avec Asaf, on va l'appeler comme ça, est fascinante quant à sa manière de construire et de déconstruire des mythes, que ce soit avec Amy ou Senna. On n'apprend absolument rien sur le personnage, pour peu qu'on s'y soit un peu intéressé avant, mais cette espèce de lyrisme qu'il apporte dans sa vision n'est pas inintéressante. Si je l'avais vu avant, j'aurais peut-être pu, j'ai essayé de le faire, j'aurais peut-être pu pousser Manu à voir le film, mais c'est probablement... Je me suis arrêté à The Return avec Sarah Michelle Gellar pour la carrière de ce monsieur. Là, le portrait, c'est peut-être probablement plus le portrait d'un homme que d'un footballeur, je trouve, comme encore une fois, il avait pu le faire avec Amy et Senna, en rendant le personnage plutôt touchant. C'est aussi en filigrane un portrait de Naples. Ben, écoute, moi, je te coupe, Lucien, mais parce que moi, je suis pas très football et je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que l'intérêt principal du film, en fait, c'est de, entre guillemets, remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que je trouve que l'intérêt principal du film, c'est de montrer et démontrer que Maradona était un joueur exceptionnel et qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Et c'est vraiment ça. Le truc principal qui ressort pour moi du film, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il passe une heure de film à s'attarder sur le personnage, son background émotionnel. Non, parce que ça, c'est juste, si jamais j'avais lu la fiche Wikipédia, de détailler de qu'est-ce qu'il avait fait de quand il est arrivé à Naples jusqu'en 91, ça aurait eu le même effet. Il passe quand même une heure de film à développer ça. Donc c'est oui, que c'est pas son but, c'est que c'est quand même un but important pour lui. C'est vrai. C'est un des buts importants pour lui. Mais après, lui, il veut, dans le film, opposer une personnalité publique à une personnalité privée. Et ça, c'est illustré par la manière dont il va inscrire son titre sur l'écran. Diego en blanc, Maradona en bleu, ou inversement. Enfin bon, bref, c'est pas important. Mais je trouve que ça ne fonctionne jamais. Il essaye d'opposer comme une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et je trouve que ça n'est jamais incarné. Le côté image home movies, ça a beaucoup de mal à dépasser le home movie de base. Enfin, genre, je vois le mec jouer avec sa gamine allongée sur son tapis, et ça ne dépasse pas ce stade-là, enfin, le stade de la première lecture. Et d'autre part, il y a un truc que je trouve... Qui me dérange profondément, qui m'avait déjà dérangé dans Amy et qui me dérange profondément dans le film d'Asif Kapadia, c'est que je trouve que c'est un mec qui est fasciné par les icônes publiques, par les personnalités people et par le fait qu'il soit pris dans une espèce de cirque médiatique et en effet leur déchéance. Mais alors, il adore montrer ça. Mais je trouve qu'il construit aucun discours là-dessus. Mais il n'y a pas de discours, en fait, sur comment est-ce que la presse ou les journalistes détruisent les icônes. Ça, il n'y a vraiment aucun discours là-dessus. C'est pour ça qu'en début, je parlais de ficelle télévisuelle, de côté reportage. Le seul attrait qu'apporte le metteur en scène, c'est ce lyrisme qu'il a dans son regard. Sinon, je trouve en effet que la relation homme public, homme privé ne fonctionne pas. Je trouve même que la vision de l'homme public, on ne la voit quasi pas. On voit Naples et on voit un gars. Pour moi, que ce soit Maradona ou pas, mais... Dernière chose, là c'est plutôt un truc que je trouve chouette dans le film. Je trouve que c'est quand même aussi un film sur la ville de Naples et sur l'Italie. Comment la ville de Naples était perçue en Italie et comment lui rajoute quelque chose sur Naples. Et, clairement, le climax du film, c'est le premier titre de champion de l'équipe de Naples, quoi. Non, mais vous avez tous les deux assez bien résumé ce que je pense aussi du film. Enfin, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, le film, il fait le travail d'un point de vue footballistique, je trouve, justement. Les images, les buts, les dribbles, etc., les sensations, les émotions. Mais d'un point de vue cinéma, je trouve effectivement que, à part saisir et nommer l'ambivalence du personnage, de l'homme, et tâcher de comprendre qui il était, je trouve que ça manque de point de vue, effectivement, de ce qu'il pense de ce personnage. On parlait des images avec sa fille, etc. Il y a des images quand même qui me restent en tête et qui restent pour moi des super images. C'est la Coupe du Monde 86, évidemment, pour la Lies, mais c'est surtout quand il est seul à Noël, par exemple, dans un dîner du club, on voit qu'il est complètement hagard, perdu. Et puis on le voit en 2004 grossi à faire des vannes. Moi, il m'a fait penser à Jake LaMotta dans le Raging Bull de Scorsese, ou qui est réduit à la fin à faire ses one-man shows pitoyables, etc. Et c'est là-dessus qui m'a touché, c'est dans cette déconstruction du mythe et dans cette déconstruction du personnage. Mais après, voilà, je trouve que le film... Ouais, mais la déconstruction du personnage ou du mythe, c'est vite fait, quoi. Comparé à tout ce qui est sur l'ascension, la liesse, le délire Maradona, etc. En fait, il y a une heure d'ascension. Enfin, grosso modo, il y a une grosse heure d'ascension. Et puis, c'est vraiment de l'ascension, la gloire, pour finir par les liens avec la Camorra, les problèmes, Ouais, mais ça, c'est très peu. Ça, c'est vraiment... C'est de la poudre aux yeux, un peu, le truc de la Camorra. Parce que, en fait, il veut faire une espèce de rise and fall. Mais le Rise, il va jusqu'à la fameuse Coupe du Monde en Italie. Et après, le Fall, c'est 20 minutes quoi, de film, même pas. Ouais. Après, si on pense à Maradona, et moi, c'est ça que j'aime, mais bon, je suis un grand footeux, c'est que justement, je pense que les premières images qu'on a de lui sont plus à quel point il a ébloui le football et à quel point il était important, etc., que sa chute finalement. Enfin, je veux dire. Moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est à quel point Maradona est le football, dans le sens où il incarne vraiment autant le génie, la folie, l'inconstance, l'irrégularité, les failles de ce sport un peu qui devient dingue. Plutôt le football système. Alors le football, on le voit pas. Hein, je sais pas où tu l'as vu. Si, très peu, même. Moi, je trouve. Mais attends, moi, j'ai appris des trucs footballistiquement. J'ai appris des trucs sur Maradona. Comment on fait un petit pont? Non, mais et d'ailleurs, je voulais commencer par ça. Si j'avais commencé, c'est une connerie. C'est un commentateur qui dit « Diego Maradona, de quelle planète viens-tu ?» Et je me disais que c'était quand même vraiment un personnage difficile à saisir. Et d'ailleurs, je pense que Kapadia, c'est ça son nom, n'y arrive pas totalement. Ouais, après, on dit ça de tout footballeur qui fait un beau geste dans un match. Ouais. Non, moi, j'aurais conclu simplement en disant que tout reportage qu'il est, plus que grand documentaire, le film est toujours plus intéressant que le film de Kusturica, qui était un film de fan... assez narcissique. Très bien. Nous allons maintenant enchaîner avec So Long My Son, le film de Wang Xiaoshuai. Alla sua. Alors, comme je vais commencer sur le prochain film, donc le film de Wang Xiaoshuai, Monsieur Julien Rombaud trouve que ça fait bizarre que j'enchaîne la présentation et mon avis. Donc, il a insisté pour pouvoir présenter ce film. Mais par contre, sachez qu'il est absolument nul en prononciation de noms asiatiques. Merci Julien. Une telle pression sur les épaules, c'est pour te faciliter la tâche. Wang Xiaoshuai est un cinéaste chinois actif depuis le début des années 1990. Il a entre autres signé Beijing Bicycle en 2001 ou encore Chongqing Blues en 2010. Coécrit avec la scénariste A Mei, qui a notamment travaillé avec Zhang Yimou. So Long My Son était présenté au dernier festival de Berlin, où il a été doublement récompensé pour ses interprètes, féminins et masculins, respectivement Yong Mei et Wang Xingshun. Les deux acteurs interprètent ici, sur une vingtaine d'années, un couple confronté au deuil de son unique enfant, le tout sur fond de bouleversements de la société chinoise, particulièrement la politique de l'enfant unique mise en place par Deng Xiaoping en 1979. La photographie du film est signée par le coréen Kim Yen-sok et le montage est du thaïlandais Lee Chatametikul qui a travaillé plusieurs fois avec Apichatpong Werasetakul. Olivier, tu voulais commencer sur le film, je t'en prie. Tu maîtrises mieux le Apichatpong Werasetakul que le nom de son monteur en tout cas. C'est pas que je voulais commencer, c'est surtout que vous avez commencé sur les autres films, mais bon, ça tombe bien parce que moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce qui est très intéressant avec ce film là, je trouve personnellement, c'est que donc le film va s'ouvrir quasiment, je crois que ça doit être la troisième scène, sur la mort donc de l'enfant du couple principal. C'est quand même un film qui s'étend sur 3h05, et en fait la narration du film, qui est très très particulière, va être construite sur des allers-retours. En fait, cette mort va être une espèce de point de repère, et ensuite le film va se construire sur des scènes qui seront soit situées en flash forward par rapport à cet événement, ou soit en flashback par rapport à cet événement. Et c'est un film qui se mérite un peu, c'est-à-dire que les 20 premières minutes, les 30 premières minutes, peut-être que on est un peu perdu dans la narration, on n'a pas beaucoup d'accroche, mais par contre, progressivement, en fait, pendant vraiment les deux gros tiers du film, tout va s'imbriquer. On va en apprendre de plus en plus sur les personnages. On va comprendre un petit peu quel fut leur trajet, etc. Et le film va se charger en fait émotionnellement très très fort. Et pour faire éclater en fait tout ce qu'il a construit pendant les 2h30 à peu près, qui va faire éclater dans le dernier tiers, dans une espèce d'apogée émotionnelle, que moi j'ai trouvé bouleversante. Les 40 dernières minutes du film, j'étais en larmes scène après scène. D'autre part, je trouve que le film, même s'il a deux personnages extrêmement denses, extrêmement cohérents, on n'est pas chez Ari Aster, il va en plus en filigrane en raconter énormément sur le contexte de cette époque-là. Et ça va raconter énormément sur le groupe, la communauté, comment est-ce qu'on est extrait de cette communauté, comment est-ce qu'on s'en extrait soi-même. Et encore en plus, ça va raconter des choses sur une certaine impossibilité, une certaine difficulté, à savoir saisir les moments de bonheur, en fait. En fait, on va voir ces moments de bonheur dans le film, mais c'est qu'après, rétrospectivement, quand on va repenser au film, qu'on va se rendre compte que c'était là, en fait, que le bonheur se nichait. C'est pas seulement les personnages qui se chargent, en fait, en émotion et en histoire, c'est aussi les décors. Et en fait, chaque décor va se charger de l'histoire de ce couple et des moments qu'ils ont traversés, qu'ils soient tragiques ou joyeux. Et j'ai trouvé que c'était un film très particulier, mais vraiment très fort et très beau. Bah, j'aurais bien aimé avoir été submergé par l'émotion comme tu l'as été, Olivier. Le souci que j'ai eu vis-à-vis du film, c'est justement, tu dis que c'est un film qui se mérite et qu'il faut passer les 20 premières minutes. Mais le problème, c'est que pour moi, dans ces 20 premières minutes, il y a des points de bascule qui sont problématiques. Je pense qu'il y a deux points de bascule qui sont, pour moi, dans tout le long du film, qui sont très problématiques. C'est le point de bascule lié à la mort de l'enfant, qui est monté avec un mélange de flash-forward et de flashback. Tu es perdu complètement dans la temporalité de ce qui se passe, puisqu'il va séparer le moment où l'enfant attend près de l'eau et est appelé par son jeune camarade pour aller le rejoindre, avec une scène de repas à table, et le décès du gamin. Et donc, et tu fais le ping-pong entre ça, ce qui fait que ce personnage de fils adoptif est pour moi une bouée à la mer. Tu mets beaucoup plus que 20 minutes à comprendre le lien qui se tisse entre ces personnages-là, parce que c'est explicité à rebours, et donc ce qui fait que mon ancrage émotionnel, je ne l'ai pas. Et je trouve en fait que ces bascules-là sont extrêmement artificiel et m'empêche de connecter avec l'émotion du film. En fait, quand le film a commencé, je m'attendais vraiment à adorer. Ça brasse plein de choses qui me fascinent. Il y avait dès le début des moments d'une grande émotion picturale, je vais dire. En effet, la photographie est sublime. Mais comme le dit Manu, les allers-retours entre les différentes temporalités manquent totalement de fluidité. Et ça... Plus le fait qu'il n'y ait jamais vraiment de changement de rythme sur la totalité du film, avec des personnages qui intériorisent tout et a raison, et ça raconte quelque chose sur le film, et je pense que le film essaye de s'en affranchir, mais tout ça mis l'un sur l'autre, ça fait quand même que 3h05, c'est super long, quoi. Ça paraît le double, hein, vraiment. Après, oui, il y a des choses qui sont très belles. Moi, je trouve la métaphore sur la douleur interne du couple, de la perte d'un fils et la douleur retenue aussi d'un peuple opprimé. C'est une très belle idée. Donc voilà, je pense que c'est un film auquel je donnerai une seconde chance. Peut-être un jour, je sentirai que je suis dans les bonnes conditions. Mais c'est quand même vraiment très, très, très, très long. Et il y a, comme le disait très bien Manu, très vite moyen d'être complètement perdu dans ce que le film essaie de te raconter d'un pur point de vue dramaturgique, quoi. Je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, et j'en suis même franchement vraiment désolé, parce que je suis sûr aussi que c'est un film qui mérite d'être vu, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des qualités, mais j'ai aussi été finalement perdu dans cet entre-là d'époques, de lieux différents. Je me suis un peu paumé, mais je vais pas revenir là-dessus, ça a été dit. Par contre, je vais juste dire les qualités qui m'ont plu dans le film, c'est justement cette manière de très belle, très pudique qu'a le cinéaste de filmer notamment la mort de l'enfant à distance. Oui, mais cette pudeur fait qu'aussi justement tu as un problème d'accroche aussi, à mon avis, dramaturgique, sentimental vis-à-vis de ce qui se passe et de ce deuil-là. Moi, j'ai quand même aussi, moi, je trouve aussi, ouais. J'ai quand même aussi cet aspect-là, quelque chose qui va revenir avec le personnage de la mère du couple qui va rester, qui est montré à des moments de manière très schématique, très pro-partie, et où on va essayer de te faire une bascule au moment de où elle approche la mort. Elle va devenir un personnage tout autre, qui serait quasiment la négation du personnage qu'on a montré quand même très, très pro-partisan, limite un peu violent avec ce couple-là. Complètement et, violente. Et cette séquence d'émotion qu'il essaie de créer sur son chevet, j'ai du mal à l'accepter, parce que je trouve que ce personnage-là est aussi pas très bien défini pendant le film. Moi, j'ai eu un vrai problème avec cette autre femme dont tu viens de parler. Mais par contre, je crois que si on est à distance de la mort de l'enfant, c'est pas à cause du fait que la caméra est loin, c'est à cause du fait, comme tu l'as dit au début, qu'elle est entrecoupée éventuellement par la scène du repas. Par contre, après, ça n'engage que moi, je trouve que la pudeur qu'il a de la filmer, et la pudeur qu'il a parfois de filmer dans la cuisine, dans la salle à manger, toujours derrière un mur, ou en tout cas derrière l'embrasure de quelque chose, d'une porte, c'est comme si on regardait quelque chose de très naturaliste à travers la serrure, et c'est ce qui m'a semblé beau dans le film, c'est voilà, c'est ça, c'est la retenue des sentiments et pas l'étalage des tripes et des boyaux. C'est vrai que tu dis un truc intéressant, je ne sais pas si naturalisme c'est le bon mot, mais il y a quelque chose qui tend un peu à ça, dans un univers qui est totalement dépaysant. En tout cas, j'aime justement le moment où le film, c'est surtout sa deuxième heure, je dirais, le moment où le film s'intéresse encore plus au contexte politique ou social du film, où il va chercher dans les épisodes de sortie d'usine, la scène du congrès, de ce congrès communiste, etc. Où là, j'ai l'impression que ça prend plus d'ampleur et que c'est plus épais que seulement les relations entre la famille. J'ai l'impression que c'est quand il arrive à assembler cette fresque et ces puzzles tous ensemble que ça prend vraiment de l'ampleur. Je trouve que ça ne marche pas toujours très, très bien, justement, cette bascule entre l'histoire du pays et l'histoire de ces personnages-là. Des fois, je trouve que c'est un peu souligné un petit peu, un peu lourdement. C'est un peu artificiel, mais c'est une belle idée. C'est une belle idée, mais je ne trouve pas qu'elle est pleinement là à l'écran. Elle n'est pas là tout au long du film, elle est là par instant. Oui, mais elle vient me poser une chape sur leur comportement. Par exemple, typiquement, c'est le problème qui s'applique au personnage de cette autre mère, où à un moment, elle est vraiment dans le conditionnement de l'idéologie d'État, et tu as du mal à voir ce personnage exister hors de ça. Mais après, moi, je trouve que en revanche, si j'ai quelque chose à dire pour défendre le film, je trouve que c'est effectivement deux très beaux personnages, ce couple-là, de personnages très dignes. Il y a de très belles idées de scénographie, par exemple la maison au bord de la mer avec l'eau qui est prête à inonder la maison. Il y a de très belles idées, mais le problème, c'est que voilà, c'est juste, je n'ai pas monté les premières marches pour être touché, et donc le chemin, j'arrive pas à le faire jusqu'au bout. ressent exactement la même chose. Pas d'ancrage émotionnel dès le début, et du coup, un respect pour le travail proposé, mais jamais d'ancrage. Vous êtes tous des cons. Non, vous avez juste de la fonte à la place du cœur, c'est tout. Mais plusieurs choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Les changements de rythme, moi, je trouve qu'il y en a. Par exemple, je trouve qu'il y a des vrais enjeux dramatiques qui sont traités complètement à l'intérieur du film, quoi. Par exemple, tout ce qui est lié à un moment la grossesse que va avoir le personnage féminin, tout ce qui est se raccorde à cette petite histoire là va être raconté au même moment, dans le même temps. On va pas commencer à faire des allers-retours dans le temps autour de cet événement là. D'autre part, mais le comportement du personnage de l'autre couple, qui est la responsable de l'usine. Qu'est-ce que j'en pense ? Non, mais au moment de cette grossesse-là, elle a un comportement qui t'apparaît, toi, en tant que spectateur, assez odieux, parce qu'elle tient une très pro-partie et qu'elle n'est pas du tout à l'écoute de ses amis. Qu'elle est aussi dans une position hiérarchique qui quelque part l'oblige à le faire. Oui, mais elle est montrée déjà, parce qu'il y a la scène auparavant où il y a la séquence de musique dans le petit appartement. Elle est la première déjà à rappeler les gens à l'ordre. Tu sens qu'elle est beaucoup plus... Oui, c'est pas la seule fois. C'est pas la seule fois où elle intervient comme ça. Et j'ai du mal à avoir le moment de bascule où à un moment elle a cette culpabilité. Et je trouve que c'est des moments où... Alors, intellectuellement, je comprends ce que tu racontes. Moi, ça m'a absolument pas du tout gêné, parce que je pense que les personnages principaux sont le couple qu'on suit, et que le couple, qui est clairement des personnages secondaires, je peux envisager qu'ils aient un trajet qui soit au moins aussi fort ou équivalent au trajet que vont avoir les autres personnages. Et d'autre part, la Chine elle-même, quelque part, se change. Et donc, quelque part, on sait bien que la politique de l'enfant unique s'est révélée être finalement une connerie. Peut-être qu'elle aussi se fait un mea culpa sur elle-même, qu'on n'est pas obligé de voir en in. Comme moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de voir en in, quoi. Et d'autre part, tu parlais de cette ouverture du film, qui est en effet surprenante, avec cette scène de la mort du fils qui va être entrecoupée de ce moment, qui est très long, un plan très très long, et qui te montre où se situe la porte, où se situe la cuisine, et où se situe le salon par rapport à la cuisine. Mais pourquoi ? Parce que ce décor-là, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est au début, en effet, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et puis à la fin, on passe une vie dans cet appartement. Mais c'est pas que, pas que l'appartement, c'est quand même l'enfant. Qui est cet enfant-là ? D'où il vient ? Quelle est son histoire ? Et donc ça te pose quand même problème justement... de qui est ce personnage-là ? C'est pas juste la description d'un décor. Moi, il n'y a pas de problème. C'est le fils pour moi. Il y a le fils qui est là. Ok, scène d'après, il n'est plus là, il est mort. Ok, mais moi, je réinterprète cette scène-là à la lueur de tout ce que j'ai vu après à la fin du film, parce que je repense au début du film. En effet, c'est une construction très bizarre, on n'est pas connecté, mais moi, pour moi, c'est justement ce que je disais en introduction, c'est le moment de bonheur qu'on n'a pas vu, les moments du quotidien qui semblent banals, mais qui en fait t'échappent parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve par derrière. C'est comme le moment où ils chantent chez eux. C'est anodin, quelque part, c'est traité dans la mise en scène, c'est pas exaltant, c'est pas exalté, il y a toujours le truc du parti, etc. Mais quelque part, quand t'as accumulé toutes ces strates de narration, toutes ces strates d'émotion, etc., et que tu as construit les personnages, que tu as une vue d'ensemble sur le tableau, je trouve que toutes les scènes se regonflent de quelque chose à quelque part quand tu revisites le film. Oui, mais moi, j'ai pas été amené à revisiter tes films parce que tu me dis, tu revisites cette scène-là à la toute fin, mais c'est un parti pris extrêmement artificiel d'insérer cette scène-là. Et donc, Oui, c'est vrai. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue dans mon parcours vis-à-vis du film. Très bien, on va passer au conseil. Alors, Lucien, qu'est-ce que tu as à nous conseiller ou à nous déconseiller de manière courte et succincte, puisqu'on a été très long ce soir? Je vais faire très court et le conseil sera court en lui-même. Je vais vous conseiller d'aller dans un cinéma où vous connaissez l'ouvreur ou l'ouvreuse pour aller voir juste une scène d'un film qui est pour la première fois qu'on parlera en bien d'un Marvel. Il y a une scène de 10 minutes dans le dernier Spider-Man qui est pas inintéressante, qui est une scène de fantasme, on va dire ça comme ça. Et alors, elle ouvre le film ou quoi ? Elle est au plus ou moins au milieu. Ça va être pratique. Manu, qu'as-tu à nous conseiller ? Eh ben moi, je vais vous conseiller un film qui aurait pu faire partie de l'expédition de Rick Dalton dans son échappée italienne, qui est La mafia fait la loi de Damiano Damiani, qui n'est pas tourné en 69 mais en 68, qui est la première incursion de Damiani dans le domaine du polar à l'italienne et plus précisément du film sur la mafia. C'est un genre et un univers sur lequel il va revenir par la suite avec de nombreuses reprises, avec soit un juge en danger, seul contre la mafia, confession d'un commissaire de police au procureur de la République. Il n'y a pas le casting de dingue du film de Tarantino, mais c'est pas loin, puisqu'on y croise entre autres Jacob, avec un personnage de mafieux qui est pas très éloigné de son grand rôle dans Sur les quais de Kazan. Il y a aussi Claudia Cardinal, Sergi Reggiani. Et bien sûr, pour que la boucle tarantinesque soit bouclée, il y a Franco Nero dans le rôle principal d'un chef carabinier qui est chargé d'enquêter sur la mort suspecte d'un chef de chantier qui a refusé de confier un chantier à une entreprise protégée par la mafia. Voilà, c'est une des grandes réussites de la filmographie parfois un peu inégale de Damiani. Voilà, c'est un film qui était inédit jusqu'alors en vidéo et qui est disponible cette année dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré pour Studio Canal, voilà, dans une très belle copie. Donc ne passez pas à côté de ce film-là et des autres pépites qui sont distribuées dans la collection Make My Day. Et tu peux rappeler le titre du film ? Alors le film, c'est La mafia fait la loi de Damiano Damiani. Merci beaucoup. Et notre ami Julien Rombaud m'a demandé de conclure. Donc, je vous conseille d'acquérir le livre de Nicolas Saada, réalisateur et ancien critique de cinéma au Cahier, notamment de 1989 à 2001, et il a mis dans un recueil toutes les interviews de cinéastes qu'il a effectuées pendant cette période où il travaillait au Cahier du cinéma. C'est chez Carlotta Édition. Donc ça s'appelle Questions de cinéma, entretien et conversation. Et il y a notamment un très très chouette échange entre Dario Argento et John Carpenter, dont on sent une admiration mutuelle tout en ne comprenant absolument pas le style de l'un et de l'autre. C'est assez fascinant. Et une interview de Joel Silver au moment de la production de Matrix, je pense, qui est absolument prophétique sur le cinéma, sur l'état du cinéma aujourd'hui. Je vous conseille très fortement de vous procurer cet ouvrage, Questions de cinéma, Carlotta Édition, Nicolas Saada. Alors, Julien. Ouais, moi, je vais simplement rappeler à nos chers auditeurs et auditrices et conseiller, du coup, d'aller voir le film Requiem pour un massacre que vous allez, sans moi, pour faute d'agenda, présenter au Churchill de Liège à 19h45 le 29 août. Eh bien, merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices, d'être arrivés jusqu'au bout de cette émission. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser des messages sur notre site. Et peut-être, si vous êtes gentil, vous pourrez voir à quel point Julien Rombaud est beau. Et à quel point le torse de Lucien Flandre s'est musclé encore bien plus que celui de Brad Pitt. Merci, vous verrez tout ça. À bientôt, au revoir.